A yi di chéri, yo di ou son jenès. Mwen asepte ke m son jenès. Yo se yo zoazo kape vole. Toujou ma jwen yo branche pou m pose. A yi di chéri, yo di ou son jenès. Mwen asepte ke m son jenès. Yo se yo zoazo kape vole. Toujou ma jwen yo branche pou m pose. Je vais nous voir composer.